Chapitre 7e. Ils sont bien drôles, ces nègres de Rio, le pays où ils sont, je crois, le plus heureux, si des esclaves peuvent jamais l'être. L'un des premiers jours de mon installation, je quittais malgré moi mon travail, poussé par la curiosité. J'entendais certains sons étranges d'un bout de la rue à l'autre. Il s'agissait tout simplement d'un déménagement. Chaque nègre portait un meuble, gros ou petit, lourd ou léger, selon la chance. Tous marchaient à peu près en mesure, en répétant soit une syllabe ou deux, soit en poussant un son guttural. Il y en avait qui portaient des tonneaux vides, formant un volume trois fois plus gros que leur corps. À la queue de cette file d'une cinquantaine d'individus, venait un peu plus gravement un piano que six hommes portaient sur leur tête. L'un d'eux, faisant fonction de chef d'orchestre, tenait un objet ressemblant à une pomme d'arrosoir, dans lequel se trouvaient de petits cailloux. Avec cet instrument, le nègre battait joyeusement la mesure. Un autre jour, je vis trois négresses causer en gesticulant beaucoup et portant aussi sur leur tête, l'une un parapluie fermé, la seconde une orange, la troisième une petite bouteille. Ne serait-ce pas à cet usage de porter tout sur la tête, que les négresses doivent d'être généralement bien faites, de porter le buste en avant et d'avoir quelquefois dans leur démarche une dignité que leur enviraient beaucoup de femmes des classes blanches les plus riches? Il se fait souvent des ventes d'esclaves dans certaines boutiques et dans des maisons particulières, pour cause de départ ou de décès. J'ai assisté à plusieurs de ces ventes, et je n'y ai remarqué aucune différence avec les ventes de marchandises ordinaires, sinon que le marchand était monté sur une caisse à fromage et qu'un autre individu, sorte de commissaire-priseur, était grimpé sur une chaise, un petit marteau à la main. Au milieu de guéridons, de fauteuils, de lampes, étaient assis cinq nègres et négresses. Je m'étais attendu à les voir, fort tristes, il n'en était rien. Ces cinq nègres furent vendus chacun l'un dans l'autre 6 000 francs. Un acheteur fit l'emplette de deux femmes, d'un négrillon, d'une table, de plusieurs ustensiles et d'un cheval.